les reines qu'il aima, loi qu'il lui donnait toutes les femmes. Il aima aussi des reines, entre autres, Eunoé, femme de Bogude, roi de Mauritanie, et au rapport de Nason, il lui fit ainsi qu'à son mari de nombreux et d'immenses présents. Mais il affectionna surtout Cléopâtre, et il leur arriva souvent de prolonger leur repas jusqu'au jour. Il remonta le Nil avec elle sur un vaisseau pourvu de cabines, et il aurait ainsi traversé toute l'Égypte et pénétré jusqu'en Éthiopie, si l'armée n'eût refusé de les suivre. Enfin, il la fit venir à Rome et ne la renvoya que comblée d'honneurs et de récompenses magnifiques. Il souffrit même que le fils qu'il eut d'elle fût appelé de son nom. Quelques auteurs grecs ont écrit que ce fils lui ressemblait pour la figure et la démarche. M. Antoine affirma en plein Sénat que César l'avait reconnu, et il invoqua le témoignage de C. Matius, de C. Oppius et des autres amis du dictateur. Mais Gaius Oppius crut nécessaire de le défendre et de le justifier sur ce point, et publia un livre pour démontrer que le fils de Cléopâtre n'était pas, comme elle le disait, fils de César. Elvius Cinna, tribun du peuple, a avoué à beaucoup de personnes qu'il avait rédigé et tenu prête une loi dont César lui avait ordonné de faire la proposition en son absence, et qui permettait à celui-ci d'épouser à son choix autant de femmes qu'il voudrait, pour en avoir des enfants. D'ailleurs, pour que personne ne puisse douter le moins du monde que César eut la plus triste réputation de sodomite et d'adultère, Curion le père, dans un de ses discours, l'appelle « le mari de toutes les femmes » et la femme de tous les maris.